50 languages. 49. 49. 49. الرياضة. Le sport. Le sport. هل تمارس الرياضة؟ Pratiques-tu un sport? Pratiques-tu un sport? نعم، علي أن أتحرك. Oui, je dois bouger. Oui, je dois bouger. أنا عضو في نادي رياضي. Je vais au centre sportif. Je vais au centre sportif. إننا نلعب كرة القدم. Nous jouons au football. Nous jouons au football. وأحيانا نسبح. Parfois, nous nageons. Parfois, nous nageons. أو نركب الدراجة. Ou nous faisons du vélo. Ou nous faisons du vélo. في مدينتنا ملعب لكرة القدم. Dans notre ville, il y a un stade de football. Dans notre ville, il y a un stade de football. وهناك أيضا مسبح مع حمام بخاري. Il y a aussi une piscine avec sauna. Il y a aussi une piscine avec sauna. وهناك أيضا ملعب للغولف. Et il y a un terrain de golf. Et il y a un terrain de golf. ما يعرض في التلفاز؟ Qu'y a-t-il à la télévision? Qu'y a-t-il à la télévision? حاليا لعبة كرة القدم. Il y a un match de foot. Il y a un match de foot. الفريق الألماني يلعب ضد الإنجليزي. L'équipe allemande joue contre l'équipe anglaise. L'équipe allemande joue contre l'équipe anglaise. من يربح؟ Qui gagne? Qui gagne? لا أدري. Je n'en ai aucune idée. Je n'en ai aucune idée. في الوقت الحاضر متعادلان. Pour le moment, c'est match nul. Pour le moment, c'est match nul. الحكم بلجيكي. L'arbitre vient de Belgique. L'arbitre vient de Belgique. هناك الآن ركلة جزاء. Maintenant, il y a un penalty. Maintenant, il y a un penalty. هدف 1-0. But 1-0. But 1-0. يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.